Shabada, comme d'habitude, Shabada, c'est ce que je dis en commençant en Pyongyang Kissy Rockers, c'est le numéro 382 ce soir, c'est ça? C'est ça. Et ce soir, on a un Jamo en pleine forme, il a mis ses lunettes noires, il a les cheveux encore plus en pétard que moi. Attends, on t'entend pas là. C'est bon, là. Un projet capillaire, c'est tout. Ah bon, bah oui, on a des projets tous les deux. C'est bien aussi, apparemment, des projets capillaires. Tu vas bien? Bah ouais, toi. Ouais, bah oui, toi. Ouais, moi, ça, je dû un peu me presser, mais bon, des histoires à la con. Et puis, nous avons une invitée ce soir, c'est Hélène. Bonjour. La madame en. Alors, tu fais des en préposo, toi, c'est bien. Des e préposo. Ah non, t'as même fait un en, là. Oui, c'est vrai. Ouais. On va voir si, en écrivant, tu en fais aussi des choses préposales ou pas. On ne sait pas. En tout cas, tu es là pour nous parler, entre autres, du numéro 10 de Perspective qui vient de sortir et qui est déjà en rupture de stock. Non, pas encore. Bon, eh ben, on va faire en sorte qu'il le soit à la fin de cette émission qui dure jusqu'à 21h. Vous êtes bien sûr Campus 106,6. C'est Pyongyang City Rockers et voici Jamo qui tenait absolument à passer un truc tout à fait dans l'air du temps. Ouais, voilà, je voudrais mettre un big fuck à Donald Trump et tout compagnie. Mais pourquoi? Bah parce que c'est des cons. Et puis voilà, je voulais passer Oi Polloi. C'est un groupe de punk rock, mais plutôt Oi Anarcho-Punk. Ouais. Voilà, on est d'accord. Et voilà, ils font partie d'Antifascist Action, Earth First, des trucs comme ça. Ils soutiennent des causes, et donc on dit « Fuck à Donald Trump », et c'est Oi Polloi. Ouais. They're bringing crime, they're rapists. Islam hates us. Did you mean all 1.6 billion Muslims? You have to take out their families. You've called women you don't like fat pigs. But the look obviously matters. Like you wouldn't have your job if you weren't beautiful. There has to be some form of punishment. For the woman? Yeah, there has to be some form. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Can I have a pledge? A swearing? Raise your right hand. Build the wall! Fascists and Muslims! Destroy them all! fait toujours bizarre d'entendre la voix de Trump, que ce soit au début d'un morceau ou en vrai. Mais bon, enfin, lui, de toute façon, il faut regarder aussi cette, cette vidéo parce que c'est chopé. Elle est bien, oui. Ah, bah, elle est bien, oui. Attends, il y a encore du brun là. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà. Ah, tu veux que je fasse les manettes? Ouais. Oh, bon, si tu veux, ouais. Voilà. Non, on va essayer de se démerder sans ça. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par la présentation physique du zine ou alors est-ce qu'on commence par la présentation du contenu? Eh ben, comme tu veux. Voilà, il est magnifique. Alors j'avais ramené un exemplaire et je suis le seul à apparemment à avoir, pensé, fait mes devoirs. C'est, ah, oui. C'est quand même un superbe objet. Ah bah ouais. Hein. Si vous le voyez, enfin d'ici qu'il soit encore disponible, c'est-à-dire bah, dans les deux semaines qui suivent à peu près, si vous voyez sur un stand d'une distro, genre Lucane, vous ne pourrez pas le manquer. Il y a une superbe couve en trois couleurs. C'est de la sérigraphie. C'est de la série, ça ? Ouais, c'est de la sérigraphie, deux couleurs sur papier noir. Donc, ouais, ça fait trop. Et surtout, faite à l'ardente pour la sérigraphie, mais faite par Barreto. Voilà. Qui est excellent. Donc, Il est l'illustrateur attitré de tout ce qui est bien à Lille. De pas mal de choses. Pas mal de choses, ouais. Ouais, pas tout. Ouais. Donc, voilà, pour le moment, on m'a plus dit qu'il était beau que extérieurement que dans le contenu. Oui, non, parce que le contenu, on va parler après, là, franchement, j'ai deux mots de dire. Non, mais j'en ai... non, mais au moins, j'en ai mis une photo sur le réseau social. Ouais. Et tous les commentaires étaient, il est tellement beau, il me le faut. Alors il y a la couve, la première de couverture, qui est une chose. Après, ensuite, bon, il y a la quatrième de couve qui est la suite. Ouais. Mais alors, quand on l'ouvre, là, c'est formidable. Fabuleux. Il y a deux petits rabats avec des fleufleurs et puis un œil. Ouais. Donc, dans le rabat qui se trouve sur la deuxième de couverture, à l'intérieur est glissé un mini zine. Ouais, un petit tour report de Short Days quand ils sont allés en Allemagne. J'ai pas encore lu ce style. Mais bon, il y a une bonne dizaine de pages. Allez, on va dire 12. 12, ouais. Ouais, bravo. Ouais, bien vu. Et puis, dans le rabat qui se trouve à la troisième de couverture, donc à la fin, une petite carte. Une petite carte. Carte postale, on va mettre à table et puis envoyer une sa grand-mère. Carte, bah écoute, tu fais ce que tu veux avec. Voilà. Avec aussi un œil. C'est marqué perspective en dessous. Et ça, c'est toi qui l'as dessiné. Ça, c'est moi qui l'ai fait, ouais. Bon, c'est... Donc, déjà, super objet. Alors, à propos de tes dessins, on va tout de suite dire qu'à l'intérieur, il y a aussi des choses qui n'ont pas été faites. Et là, c'était ma grande déception. Elles n'ont pas été faites avec de la génération automatique d'images. Mm-hmm. Maintenant, c'est des IA génératives. On peut faire plein de choses. Ouais. T'as pas fait une couve à la Miyazaki? Enfin, non. Je t'aurais pu quand même. Non. Donc, il y a une couverture que t'aurais pu mettre, mais finalement, t'as pas utilisé. Attends, celle-là. C'était, ouais, en fait, c'était pour le 9, je crois, où je parlais dans le contenu, dans la longue intro, je parlais des slogans. Ouais. Et donc, je m'étais dit, mais avant que Jeanne ne fasse la couverture du 9, ce qui était bien mieux en sérigraphie et par une vraie artiste. Mais j'avais en tête cette représentation d'une foule qui brandit et qui scande des slogans. Avec des pancartes marquées slogans. Voilà, c'est ça. Marquées différemment. Quoi. Enfin, voilà. Des lettrages différents. Ouais. Parce qu'on a tous des slogans à nous. Ouais. Et puis aussi, tu vois, un peu les styles vestimentaires de tout ce qu'on trouve dans notre milieu. Quoi. Enfin, dans ta scène. C'est un peu redevenu la mienne, quand même. D'accord. Ah bah oui, ça aussi, on va en parler, parce que t'as fait un petit peu de chemin depuis les deux derniers numéros perspective. Ouais, ouais. Donc voilà, ça, c'était pour la présentation physique. Sinon, il fait combien de pages? J'ai même pas compté, t'as vu? Il est encore plus long que l'autre, non? Ouais. Ouais. Je l'ai 52, je crois. Ah, Justy, Ouais. Il va falloir faire un dos carré hein, bientôt. Ouais, tu vois, là, c'est tout juste, c'est tendu, là, la couture. Ouais, j'ai oublié de dire que les petits rabats, là, fin, le système de rabat est dû à... C'est Malvina qui a fait ça ? Oui, c'est parti du fait qu'il y avait Victor qui avait ce projet de petit livret Tour Report de Short Days. Il était allé avec eux en Allemagne, il voulait écrire un petit truc. Et donc, on en a discuté de le mettre dans Perspective. Et, mais comme il parlait vraiment d'un petit livret, on s'est dit, bah, on le mettra. Et puis on a réfléchi avec Malvina à comment la coller aux zines, le mettre avec le zine, mais à part quand même. Quoi. Donc c'est devenu voilà, un pliage, un savant pliage. Bah ouais, mais c'est vachement bien. C'est une découpe. Des flyers et tout. Ouais. Ouais, c'est ça. Et quand tu le prends, quand tu es dans un concert, tu le prends à prix libre, je sais pas. Ou... C'est ouais. Prix libre ouais, ouais, ouais, c'est prix libre. Et ouais. Ben après, si tu rajoutes, d'autres trucs, tu peux les rajouter. Peux, voilà, c'est ça te fait bien. Une petite pochette. C'est super pratique. Ouais, hein, tout à fait. Une petite pochette, ouais. Hein, comme ça, on n'oublie pas. Et puis, ouais, alors la cerise sur le gâteau, c'est le petit fifi le jaune. Ouais. Hein. Cette réalisation, à la main. C'est magnifique. Ben ouais, et ouais, c'est mais ouais, ouais, donc pareil à l'ardente, hein, façonnage, sérigraphie et façonnage à l'ardente. Ouais. Donc encore avec le savoir-faire de Malvina. Donc voilà, enfin Célia était là, si je puis me permettre de le dire, oui. Célia nous a aidés. Ouais, j'ai fait de la couture. Mais donc voilà, on fait des trous. Enfin bon, bref, c'est un. On a appris par Malvina à le faire, mais et puis après c'est cousu rigueur, effectivement. Ouais. Ouais. Enfin c'est ouais avec un fil. Ok, vous en avez fait beaucoup, vous en avez fait 5000. On en a fait 101. 101. Pourquoi ouais. 101 pourquoi 101 pas 100 enfin, Eh bien parce que les feuilles pour la couverture faisaient 1 mètre sur 70. Hum. Je pouvais donc en mettre 6. Donc j'avais 102 exemplaires et on en a foiré un à la sérigraphie, donc il y en a 101. C'est aussi simple que d'accord. Ça. Ouais. Ok. Et donc, bon, ça, c'est la première. C'est le premier jet, ça, mais il y aura peut-être une réédition. Je sais pas. On verra. Bah, c'était quand même sacrément quelque chose à fabriquer, quoi. Ça met du temps à faire tout ce façonnage ? Ben, ouais, un certain temps. Après, voilà, on était en équipe. Ouais, c'est mieux. Hein. Et on boit des bières. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Mais oui, ça met un certain temps. Et puis, bon, voilà, c'est. Moi, je suis pas absolument. C'est pas un principe de pas vouloir en refaire, mais. On verra après. Une fois n'est pas coutume, j'ai pas commencé le 11, là. D'accord. Habituellement, j'ai déjà commencé le suivant quand je sors. T'es exténué, là. Et ouais, mais bah, là, ce soir, je suis en GDB. Donc. Bon, et ben, donc, on va un petit peu se freiner en passant de la ZIC. Mais d'abord, j'allèche les gens, comme ça, ils vont rester à écouter Campus. Y a donc du Syndrome 81, Bombardement, ça, c'est les interviews. Puis les Tour Report, donc c'est Jody Faster et Short Days. Donc, on a dit tout à l'heure. Et puis, y a quelques autres petits textes. Ouais. Dont auquel. Mais bon, on va en parler après la d'accord. Musique. Tu veux passer quelque chose, madame ? Ouais, bah on peut vas-y, commencer allez. Par Syndrome. Allez, Syndrome, c'est lequel ? Merde, où est-ce que je l'ai foutu ? En fait, il faudrait que je trouve. Oui, sur la brèche. Voilà, Syndrome 80 sur la brèche. Il dure qu'une 18, c'est pas possible ça. On va peut-être en passer un deuxième. Ouais, bah si tu veux, t'enchaînes avec, ouais. Avec Bombardement, qui est le deuxième groupe interviewé. D'accord. Ou alors j'aurai un deuxième Syndrome 80. Ah, si tu veux, bah si t'en as sous le coude. Ouais, on a préparé. Vas-y. Allez, Syndrome sur Campus, c'est Pyongyang T-Rockers. Yeah. ressemble à mon rib. Voilà, on saura tout. Le deuxième titre de Syndrome 80, c'était Fuir son passé, qui nous fait une petite niche juste avant la fin, mais en fait c'est pas la fin parce qu'après voilà. Et donc sinon, une fois qu'on aura fini de s'échanger notre argent, on pourra constater que Hélène prend des leçons de fabrication de fanzine, parce que t'as la main, enfin juste à côté de ta main, Skurt, ouais. C'est pas tout à fait la même bête, hein. Bon, c'est des gens du hip hop, ça. Okay. Et puis ils vont chercher de la thune pour faire de la pression en papier glacé et tout. Ouais. T'as envie de faire un truc comme ça un jour ? Pas du tout. C'est curieux, pourquoi ? Bah écoute, c'est des goûts, des couleurs, j'en sais rien. Ma conception de la conception est pas celle-là, mais c'est tout. D'accord. Et ben justement, parlons-en de la conception. Je crois qu'à un endroit, tu dis que là, cette fois-ci, tu as tout fait sur ordinateur. T'es fou ? Ouais, mais tu vois, après, quand je dis finalement, j'ai changé d'avis, j'ai tout préparé et je vais tout imprimer, tout découper parce que j'ai la petite excitation. Ah ouais, t'as quand même fait du découpage avec des ciseaux ? Ouais. Ah d'accord, bah, c'est bien alors, on est du même plan. Ouais. Okay. En fait, c'est comme avant. En fait, ouais, au tout début, j'ai commencé à écrire l'été. Et puis, je m'étais dit, allez, j'ai mon outil de PAO, là, de mise en page, machin. Tu peux dire ce que c'est, je fais surtout tout. Si c'est du libre. Ouais, j'ai le droit. Non, c'est pas du libre. Ah bah non, tu le dis pas. Donc voilà, mais donc j'avais fait, et puis un peu placé, même mis des numéros de page, parce que à chaque fois qu'on me dit un truc, je me dis, oui, pourquoi pas. Et donc là, on m'avait dit, pourquoi tu numérotes pas les pages ? Ce serait peut-être plus simple. C'est peut-être même toi qui m'avais dit ça, je sais plus. Mais donc, bref, j'avais commencé à préparer. Moi, j'aime bien ce genre de conneries. Et faut t'en écouter. Non mais bon voilà, j'avais accédé à ce truc, bref, et donc j'avais écrit, là c'est le numéro 10, je vais tout faire en numérique, tout imprimer, je trouverai un truc en fond, un décor en fond, machin, et puis une fois le truc quasi fini, ben enfin j'ai pas pu m'en empêcher, quoi, j'ai tout imprimé, j'ai repris des macules là toujours à l'ardente, donc j'ai expliqué l'autre fois, des brouillons de sérigraphie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est des trucs, c'est les visus les uns sur les autres, c'est un peu, ouais, c'est un brouillon, enfin voilà, ils font c'est des passages successifs de sérigraphie. Et donc ça fait mon fond, en général c'est sur du papier noir, enfin voilà. Donc finalement, j'ai tout imprimé, tout découpé, collé, des fois des petites languettes et tout, mais j'aime bien. Quelle est la colle que tu utilises? Le stick jaune, universel, ouais. Je crois que j'en ai encore un, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Ouais, mais moi c'est un vieux que j'avais de peut-être mon Zine d'il y a 15 ans, je sais plus, enfin elle aurait peut-être été sèche, je sais pas. Mais en tout cas, je ne l'ai pas acheté exprès, ouais. Tu vois, je l'avais, quoi. Ouais. Ça, bah d'accord. Cool. Et tu ne passeras jamais au full numérique. Ben, je veux pas dire jamais. J'ai l'outillage et un peu le savoir-faire, c'est peut-être un grand mot, mais enfin voilà. Donc je dis pas jamais, mais bon voilà, là force est de constater même que alors que j'avais tout préparé comme ça, finalement j'ai quand même coupé-collé. Donc je vais peut-être jamais y arriver. C'était quoi, c'était une envie irrépressible ou alors un truc qui collait pas, enfin qui non non pas, c'était qui enfin tu comprends. C'était une envie irrépressible adjointe à un truc esthétique qu'il y a rien à faire, découper coller c'est mieux, quoi, enfin ouais. Et puis du coup quand c'est découpé avec des ciseaux, il y a vraiment des trucs qui sont pas tout à fait droits, donc ouais. on voit que c'est fait manuellement, ouais. Hein. La dernière fois que j'ai fait un truc pour un zine, moi j'ai tout fait en numérique, putain, ouais. Pour faire du découpage qui ressemble à découpage à la main. Putain, j'en ai chié. Bah, ouais. Bah oui, parce qu'en fait, c'est guère que des aplats derrière, mais c'est plus régulier, on voit bien que c'est... Bah ouais, et puis tu vois que c'est tout droit, que c'est pas beau, quoi. C'est pas beau, faut pas non plus... Mais c'est pas ça, quoi. Non, mais il écoute pas, là, il est en Bretagne, celui pour qui j'avais fait ça. Yeah. Donc voilà. Attaquons, donc, comme je le disais, non, il est déjà 22, on repasse encore de l'Asie, quoi, alors. Comme parce qu'il faudrait veux. Quand même attaquer le contenu, enfin, ce qu'on a raconté. Après, moi, ce que tu as raconté. Il y a un truc, pour l'instant, j'en ai lu un vraiment mais alors avec attention et en me poilant d'un bout à l'autre, c'est les 18 pages écrites par Adrien, la tournée de Jodie Foster, de Tempéré, je ne sais plus où, là, Concarneau. À Concarneau, poète, répondu d'écho. Et, mais alors, il est, c'est une performance. C'est magnifique. C'est une extrêmement belle perf. Ouais. Et bon, j'ai un peu, il l'explique au début, je lui en avais parlé, il était chaud, mais il a tout perdu, enfin à un moment il a perdu ses notes. Bah oui, ça c'est l'alcool, donc, un peu insisté. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas bu une bière, hein, je vais vous le dire, on va vite passer de la musique. Ouais, bon bref, j'ai un peu insisté, enfin je l'ai relancé plusieurs fois, évidemment, mais je sentais qu'il avait un peu envie, mais qu'il fallait qu'il trouve le courage, et finalement il l'a fait, et tout le monde est content, je pense y compris lui. Mais ouais, c'est une perf incroyable, quoi. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il allait pondre 18 pages de zine. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, voilà, à travers des mails, des textos ou des conversations, je me disais, je suis sûr, il écrit bien, je suis sûr qu'il est... Et bon, ouais, pour moi, ça se confirme, ouais, carrément. Tu te marres tout du long. Ouais, ouais, c'est vraiment... Et donc, ouais, il y a quand même... Non seulement il décrit toutes les étapes de la tournée de Jodie Foster qui va jusqu'à Tampere en Finlande, mais en plus de ça, à chaque fois, il y a des anecdotes, voilà. Ouais. Ouais. On aime bien ça ici, des anecdotes fordardes. Ouais. Et il y a aussi des contes, il me semble, il y a des petits contes de qui a bu quoi. Non, c'est ça, quoi, c'est Short Days. Ah non, c'est dans Short Days. Mais c'est quand même Adrien qui a fait les contes, il aime bien. Voilà. C'est Adrien qui a fait les contes, mais il s'est inspiré de cette tournée-là, parce que Rick Paul l'avait fait, c'est pas noté dedans, mais il l'avait fait... pour savoir tout ce qu'il avait bu. Et alors, on sait aussi, par contre, avec combien de packs de Juppy ils partent de Lille et combien d'heures ces packs de Juppy restent dans le... Enfin, tiennent avant d'être dévorés. Enfin, c'est pas vrai. Ils ont tenu un jour ou deux, je crois, quand même. Les packs de Juppy, non, ils les ont gardés jusqu'en Finlande. Ah, bah voilà. C'était pour faire comprendre aux Finlandais ce que c'est que la bonne bière. Voilà. Bah, c'est surtout qu'en fait, là-bas, ça coûte cher, hyper cher, et que c'est difficile d'en avoir. Du coup, ils se sont dit, allez, on se prévoit ça pour être sûr d'en avoir quelques-unes, au moins. On dirait que c'est toi qui as fait la tournée. Je l'ai entendu plein de fois. Ouais, d'accord. Moi, j'aime bien juste le petit suspense d'Adrien de est-ce qu'il va réussir à coucher Rick Paul. C'est vrai que c'est la vrai fameuse qu'il y a... légende. qui a déjà réussi à coucher alcooliquement parlant Rick Paul? Personne, je pense. Pas moi. Voilà, en plus, là, t'es dans le mal ce soir. Non, mais ça va. Voilà. Du coup, on va peut-être passer du Jodie Foster, vu qu'on en a. Tout à fait. Moi, j'avais préparé Punk Police, pas du nouveau, du coup. Du qui est. Attends, ça y est, il faut que je le retrouve. Du qui est. Du qui est, je ne sais pas. Général, du qui est. Je ne trouve pas. Bon, sinon, tu mets celle que tu as. Ouais, on va commencer par un extrait du nouvel album, là, Fake Ads, et ensuite, si tout va bien, et si je le retrouve, ça sera Punk Police par Jodie Foster, présent sur le numéro 10 de Perspective, que je vous montre car il n'y a pas de caméra devant mes yeux. Voilà, c'est Pyongyang Steel Rockers, il est 19h25, Jodie Foster. I see your posters everywhere. I wanna rip up your spine. I see your posters everywhere. I'm gonna rip up your spine. You set a foot on the travel and lost kids. Why a kid search for my sins? And you fucking liar. And you fucking damn. I'm Vous avez demandé la police, ne quittez pas, c'était Jody Faster, Punk Police, le deuxième titre. Le premier, c'était Fake Ads sur l'album qui vient de sortir. Pendant que juste derrière la vitre, nous avons un chevelu et un chauve qui font les cons. voilà, youpi. Tiens, bah, Hélène, elle est sortie. Bon, bah, c'est tout. Hein. Du bah, coup, moi, tu, je voulais bah, juste faire une petite interlude pour faire de la pub pour vendredi. Il y a la release party de Utopie. Sans blague. Ouais. Oui, faut y être. C'est ça. Ouais. Sinon, il y a Exploited au Black Lab. Non, mais c'est bizarre, moi je trouve que c'est. Utopie, au CC... c'est au CCL, Catherine Calmar à Lille. Ouais. Il y aura aussi avec eux Bière Sociale, Bemnos et Chart Division. Chart Division, c'est encore. Ça. Encore. Qui n'en finissent pas de faire leur premier concert. C'est clair. et voilà, ils sortent leur LP qui s'appelle Virage. Ils reviennent de 2 semaines de tournée. Ouais. Partout en Europe, là, ouais, on en a parlé, c'est ça. Ouais. Donc voilà, on va écouter tout de suite Manège de Utopie et juste après Police Bâtard de Bière Sociale. Qui dépit de ces fichiers empreintes, souris sur les potes de ma contre les mises pour un scooter volé. Tu finis dans un mur buté par un port. On prend un bas de son action, nous frappons vite, nous frappons fort. Police Bâtard par Bière Sociale que vous retrouverez ce vendredi au CCL à partir de 20h, c'est ça 20h? C'est ça, il y a écrit 20h, 20h, 20h30 bon, comme d'hab quoi. Et d'ailleurs j'ai oublié de dire que Bière Sociale, ils ressortent tous leurs morceaux sur un LP qui va sortir sur plusieurs labels dont Lada. Ok, bien. Voilà, sinon ça datait de 2012-2013, je crois, leur dernière sortie. Pour moi, c'était un vieux groupe qui n'existe plus. Alors, t'as vu, hein. Ouais. Il me semble qu'ils ont peut-être dû arrêter. Je sais qu'il y a la chanteuse de La Fraction dedans. Ah, oh, d'accord, ok. Et, à mon avis, peut-être qu'ils ont fait d'autres projets et que là, ils se sont reformés. Je ne sais pas exactement, bon, on verra ça vendredi. On pourra en causer avec vendredi, et donc il y aura aussi Chart Division, et ça sera la release party de Utopie, que vous entendîtes juste avant Bière Sociale avec Manège. Je le fais bien. Si les gens rigolent, c'est le principal. Ça va, Hélène ? Ça va. Moi, il y a un truc aussi que je veux souligner, c'est que tu présentes tes excuses quand tu écris mal les noms des groupes. Bah ouais, pourquoi pas ? Oh, bah il y en a, ils ne prétendraient jamais faire ça. D'accord, bah il y en a des. Je sais pas qui, mais il y en a des. Bah chacun son ego, hein, le mien, il est pas terriblement. Ouais. Bon. Et par contre, ouais, y a un truc à souligner aussi, mais je pense qu'on en avait déjà parlé la fois dernière, pour ton précédent numéro. Il n'y a pas de chronique de disque. Non, il n'y en a jamais eu. Si, le numéro 1 en 2003, peut-être, mais. Ouais, à l'époque, c'était permis. Non, mais je m'y suis essayé parce qu'un zine, le sommaire, entre guillemets, d'un zine, pour moi, ceux que je lisais, il y avait ça. Et puis quand on les lit, on a l'impression que c'est très facile de faire mieux que celle qu'on lit. Parce que franchement, en général, les critiques de disques, c'est pas. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment bien. Quoi. Ouais, admettons. Ce qui est certain, c'est que moi, je les lis pas parce que je les lis pas spécialement. Sauf. Je préfère que quelqu'un, un copain, une copine, me dise j'ai écouté ça, c'est trop bien. Et puis voilà, que de lire une chronique. Et en l'occurrence, dans mon cas, j'ai toujours estimé que je faisais 100 fois pire que n'importe quelle chronique, tu vois. Donc, j'ai rien à dire. C'est pas que j'ai rien à dire, mais je ne sais pas le faire. Bon, voilà, c'est vraiment... Donc non, il n'y en a pas. Je te soutiens parce que moi, c'est pareil. Hein. Ouais. En même temps, puis en plus, il n'y en a pas, mais l'usine est très bien sans. J'espère, mais en tout cas, ouais. Même, je raconte des concerts, ça je l'ai assez souvent fait. Là, c'est vachement réduit. Tu racontes d'ailleurs souvent, quand tu racontes des concerts, tu racontes souvent ce qui se passe autour du concert, beaucoup moins que ce qui se passe sur scène. Bah ouais. Donc, on a discuté, on était dehors de l'autre côté de la porte, et puis on a discuté avec machin et machine. Ouais. Et puis, du coup, on a arrêté tel groupe. Après ça, on est rentré quand même pour voir la fin du groupe qui nous intéressait. C'est ça. C'est bien. Quoi. Mais c'est-à-dire que, tu vois, relater ce qu'il y a eu sur scène, ça équivaudrait, d'après moi, dans ma compétence, ma non-compétence, ça équivaudrait à faire une chronique de disque. Mmh. Je ne sais pas décrire comme il faut un style de musique ou Même en inventant des noms des styles. Je pourrais commencer à m'amuser à ça, mais c'est autre chose. Comme sur les flyers du Pits, quand le Pits faisait encore des flyers. Ouais. Je me rappelle pas. Ils inventaient des trucs, je me rappelle pas. Ah ouais, t'avais des noms de style à rallonge. Ok. Hein, prenaient toute la largeur du. non, je me rappelle pas. Aussi comme Adrien qui s'est amusé à renommer Johnny Faster C'est un des gags, running gags des 18 pages. Des fois, tu dis, mais c'est qui ça? Ah oui. En général, on arrive à suivre, sauf que des fois pas, tellement il va loin dans les. Ouais. Oui, mais t'as toujours i et heure, et donc tu comprends. Enfin, dans les mots qu'il choisit, bref. Oui, monsieur. Mais en tout cas, donc les concerts que je raconte, j'avais pris un peu l'habitude de raconter, même ça je reviens un peu, parce que justement un peu ce que tu viens de dire, tu vois, si c'est pour dire, c'est marrant, les gens qui étaient, ou les gens qui connaissent, ou je sais pas, ça peut éventuellement être marrant de voir comment la soirée s'est passée, ou après c'est peut-être un truc de l'ordre à mon corps défendant de dire j'ai vu ça, ça et ça, t'as vu quand même dans notre coin, c'est actif, et t'as vu, je suis allé là. Ouais, mais t'as et raison. En fait, mais ouais, mais on s'en fout un peu, enfin, je veux dire, voilà. Non, moi, je trouve qu'il faut, il faut dire que quand il y a, enfin, quand il y a des trucs bien qui se passent, ouais, qu'on ouais, arrive ouais. à y être. Ouais. Ou, mais tu vois, ça pourrait avoir une autre forme, dire par exemple, à Lille, ce mois-ci, il y a eu ça. On est content, voilà, et ça ouais. pourrait arrêter d'être j'y suis allé et j'y étais mis j'ai papoté devant et puis enfin bon voilà ça relève pas toujours l'intérêt et donc là en fait il y a plus que 3 pages uh-huh. j'avais fait comme d'habitude et je pense qu'il y en avait 8 et ouais. et donc après là justement la perf d'Adrien je me suis dit je vais enfin en fait, c'est plus intéressant, c'est pas intéressant. Il a donc, quand même pris beaucoup de place. Hein. Ouais, mais c'est pas tant en termes de place, mais enfin, c'est tellement plus intéressant, plus marrant de raconter une tournée et tout, que juste après, en plus, dans les pages, c'était vraiment juste après voilà. des concerts, machin. Donc j'ai enlevé ce qui me semblait inintéressant, j'avais plus que 4 pages. Et puis j'ai même changé la présentation, j'avais mis telle date, tel groupe, et puis finalement, c'est un des paragraphes. J'ai juste pas enlevé parce que Jeanne avait fait des mots croisés. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Ces voilà. mots croisés. Et donc dans les mots croisés, enfin certaines des réponses résidaient dans ce truc de concert. Donc j'ai quand même laissé le truc de concert expliquer un certain nombre de trucs, dont les réponses pour les mots croisés. Et donc tu, en arrivant à sortir un truc comme ça où les mots croisés répondent aux chroniques de concert et inversement, tu appelles ça de la non-compétence à une puzzle. Bah, je sais pas, bah, non-compétence. Moi, je trouve que c'est extrêmement compétent d'arriver à faire un truc comme ça. Mais bon. Mais d'arriver à faire quoi? Bah, ce que je viens de dire, là, d'avoir des trucs qui se répondent d'un côté à l'autre du zine. Tu vois bah, c'est Jeanne, en fait, en lisant le zine, je pense, qui s'est dit. Vas-y, je vais faire un mot casé avec des mots. Ouais, mots casés, c'est ça. Non, mais je crois que je comprends pas ton. Bah, il trouve ça fort pas. En fait que tes mots casés correspondent aux mots qu'il y a dans ton zine. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais. Et okay. pour une fois que je brosse dans le sens du poil, oui, j'ai bon. Oui, non, mais pardon, mais du coup, je non, mais moi, je te parlais de non compétent, genre je ne sais pas écrire des chroniques, voilà. Ouais, tu vois. Ouais. Mais par ailleurs, quand tout est fait, Jeanne le lit en premier et puis elle fait les mots croisés, donc elle fait appel. En général, on le fait à deux un petit peu en buvant un coup, mais en tout cas, c'est. Alors, faut dire tout de suite, c'est pas des vrais mots croisés. Pour moi, des vrais mots croisés, c'est une grille carrée, enfin ou rectangulaire. Ouais. Ou alors, avec toutes les cases à part les noirs. Mais là, c'est pas des mots casés ou un truc comme ça, ça existe. Non, c'est des mots croisés, mais sur un générateur gratos, tu peux pas mettre plus de 16 mots, donc on peut pas avoir la vraie. C'est un générateur, moi je pensais que vous le faisiez. Oui, bah, du coup, ça baisse dans mon estime. C'est une usine pourrie. Ouais, bah non, mais moi, je rêverais qu'il y ait une vraie. Mais il faudrait y passer beaucoup plus de temps, ouais. Je pense. Il me semble que bon, il y a une interview de bombardement aussi. Non, oui, tout ouais. à fait. Où est-ce qu'elle est? Elle est. Je suis resté un peu sur ma faim. Je sais pas. Ça me semblait un peu. Je sais pas, superficiel. Un peu court. Ou court, ouais, voilà. Court. Pas superficiel, mais court. Ouais, moi, Trop court. Je dirais pas superficiel, j'étais contente, moi, des réponses. Et puis, bon, voilà, ouais. comme je le dis dès le début, ça fait dans le copinage, mon zine, toujours. Donc, voilà, c'est des ouais. copains. Fait, on ne fait que ça. Enfin, t'es ici parce que t'es une copine. Bah ouais, aussi, ouais, ça. Ouais. Bah oui, je ne me berce pas d'illusions. Mais après le fait que tu fasses le zine, très bien, que ce soit un super objet, n'est qu'un plus. Non, mais en tout cas, ouais, les réponses, moi, j'en suis contente. Et puis, c'est une par écrit et tout, mais une impression un peu de conversation. Et puis, je sais un peu, je les connais, je sais un peu vers quoi ils vont répondre. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui a été fait à distance, par correspondance, n'est-ce pas ? Ouais. Là, c'était un Word avec les questions et ils ont répondu. Mais on se connaît suffisamment. Tu as quand même fait ça, là, en utilisant des moyens modernes. C'est pas en envoyant des lettres non. et en attendant 3 mois que les mecs y répondent. Non, à et l'écrit, puis, à un moment, tu dois les relancer. Ouais. Bon, tu vas me répondre, connard, mon zine va bientôt sortir. Non, c'était quand même numérique, mais... Mais voilà, mais alors, court, peut-être que c'est ma faute aussi. Les questions, les... Parfois, je m'autorise à rebondir et renvoyer d'autres questions. Là, j'ai pas pris le temps. Bon, voilà. Ouais. Mais quand tu fais ça, à distance, quoi, c'est toujours moins péchu qu'une discussion, comme on a certain, ici. Ouais. Hein, ouais, c'est certain. Bah ouais, c'est sûr. Mais bon, voilà, bon, c'est, là, c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. On écoute Bombardement ? On écoute Bombardement, ouais. Tu te souviens ? J'ai préparé Warriors of the Night. Attends, faut que je le retrouve aussi, Steel Hall, Radjus. Mais où mets-je mes affaires ? Bon, écoute, pour l'instant, moi, j'avais sélectionné Affable. Donc, je vais passer Affable. Mais vas-y, oui. Et le Warriors of the Night, je suis presque sûr que je vais arriver à le trouver avant que ces 1h39 se déroule. Pour l'instant, voici Bombardement sur Campus et Pyongyang City Rockers qui interviewe Madame Hélène de chez Perspective, la maison Perspective d'usine du même nom. Crust quelque peu métallisé, tout ça. Ouais. Ouais. 10 bits. C'était, ouais, allez, ouais, d'accord, 10 bits. Bombardement. Donc, d'abord, c'était Affable, et ensuite, c'est Warriors of the Night sur leur album, là, qui est sorti, je sais plus quand. Je sais plus. Non, celui-là, il est. Ah merde, le futur est là. Non, c'est le nouveau, je sais plus. Je suis perdu, je l'ai pas noté. Le nouveau, bon, il est sorti grave. Il y a pas longtemps. Ouais, il est en train. Enfin, il est, ouais. C'est Pyongyang City Rockers, il reste encore 10 minutes, il n'est pas 19h48 mais bien 20h49. C'est parce qu'en fait il y a une des horloges, elle est encore à la vieillir. 352, nous recevons pour encore de ces quelques minutes qui nous restent Hélène de chez Perspective qui sort son numéro 10, encore trouvable. Il y en aura vendredi au CCL ? Ouais. Ouais ? Ouais. D'accord. Ouais, ouais, il en reste, je crois qu'il en reste une vingtaine, mais tous les envois ailleurs sont faits. Donc, Ok. Et dans les autres villes, enfin les autres endroits où il y en aura, c'est où ? Toulouse, chez Stonehenge, Saint-Thé, chez La France Pu. à Metz, ils seront récupérés vendredi, mais à Metz, il y en aura. Ouais, finalement, bon. T'en as fini. Air sur la liste aussi. Ah oui, il y en a 10 chez Louis Pleur, ouais. Et voilà, ouais, bon bah ouais. Écoute, du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On n'a pas envoyé à l'Ouest, si t'as dit déjà. Non, non bah enfin j'ai donné leurs exemplaires à Syndrome, mais. Ok. bah voilà. Et voilà, ouais, ouais. Puis chaque groupe a eu quelques exemplaires. Oui, oui, bien sûr. Bah ouais. Autant que de membres. Youpi. Donc je sais pas si tu veux, en fait je voulais dire aussi il y a des textes, donc tu disais que t'as pas tout lu, mais donc il y a des textes, ouais. Voilà, mais il y en a un de Pépé de Metz justement, ouais. Voilà, alors c'est bon, le sujet, enfin on s'en fout, on va, enfin je sais pas, on se fout pas du sujet, mais je veux dire je vais pas tout de suite dire de quoi il s'agit. Non. Il faut le lire. Le titre, c'est « La vie est un long fleuve tranquille ». Ouais. Ouais. Ben, quand tu le lis, ça n'a pas l'air si tranquille. Non, voilà. C'est ça. Ouais. J'ai commencé ça. Il y a aussi un truc sur la que tu as écrit, je pense, à propos des filles dans la scène. Le reste, c'est moi, ouais. Donc ouais. Oui. Ouais. Ben, enfin, plus non. Qu'à propos des filles dans la scène, c'est-à-dire que ouais. Dans le 8,5, j'avais fait une double page écrite en tout petit sur l'évolution du petit sexisme ordinaire. On en avait parlé. Ouais, ouais. Heureusement, une seule fois, une seule reprise, mais quelqu'un m'a dit « t'es du côté des mecs ». Enfin bref, ça a été un petit peu... j'ai pas compris pourquoi, mais ça a été manifestement mal compris. Ça pouvait être mal compris. Donc je reviens là-dessus dans ce numéro. D'accord. 10. C'est une mise au point. Ouais, après, pas ni vénère ni rien, hein, mais si non. J'ai employé les mauvais mots, alors je m'explique, quoi, tu vois, voilà. Et puis aussi, j'ai fait le choix, et j'explique ça d'inverser la règle du masculin qui l'emporte, et donc tout féminiser. C'est rigolo, ça, c'est bien. Mais, enfin, pas tout, mais dans la mesure où, tu vois, c'est toujours, cette règle, c'est s'il y a 10 filles et un homme, un mec dans un groupe, on dit « il ». Ah, au ouais. Pluriel. Bah là, s'il y a une fille dans le groupe, je dis elle au pluriel. Voilà. Si je parle d'homme, évidemment, je les... Voilà, mais bref. On peut aller jusque-là. Hein. Enfin, j'aurais pu, ouais, mais là, j'ai choisi ça. Ça aurait encore plus de gens. Mais... Ouais, ouais, ouais. Mais là, juste inverser la règle. Et donc, en fait, c'est parti de une note de fin de livre de Alain Damasio. Ça n'a pas trop à voir son... Surtout Damasio, putain. Ouais. Mais ça n'a pas trop avec à voir. Avec les histoires qui se coltinent. Ouais. C'est vrai. Ouais, enfin, okay. Ses écrits... Il y a un côté très, très macho. Écoute, en tout cas, voilà. Là, il s'essaye. Et donc, j'ai recopié sa note de fin de livre. Et il dit, voilà, puisque... Enfin, il n'y a pas... à l'écrit, il y a... C'est pas qu'il n'y a pas de bonne solution, mais c'est difficile d'en trouver une à la fois fluide, lisible, machin. Oui. Alors donc, chaque chapitre, j'échange et c'est soit tout féminin, soit tout masculin. En fait, ça, c'est l'écueil de la langue écrite, qui est de toute façon toujours un mauvais compromis par rapport à la langue parlée, qui est beaucoup, elle, plus fluide. Bah, c'est ça, que, ouais. Une fois que c'est dit, c'est dit. Ouais. Et puis, on s'arrange. On a en plus tout le côté non-verbal qui ne passe pas à l'écrit. Bon, bah, bref, puis, il y a aussi... là, il parlait aussi de... comment dire, de tous les points médians, de choses comme ça, en fait, où ouais. À l'écrit, c'est un peu des fois compliqué à lire, et à l'oral, encore plus, quoi. C'est ça. Et je peux tout le dire, ouais. Quand tu me l'as dit, je suis obligé de faire des adaptations. Mais bon, voilà. Mais donc là, je pense qu'on a fait le tour du sommaire. Et puis bon, ouais, j'ai fait quelques textes, des dessins, parce que j'aime bien. Même des si... biodessins, tu sais dessiner. J'allais dire, même s'ils sont nimbos, donc tu me flattes. Si, c'est beau, bah ouais, bah attends. D'ailleurs, il y a des gens qu'on reconnaît sur le dernier dessin. Ouais. Ah ouais, j'ai pas vu. Et où le tout dernier. Alpha, là, attends. À côté du jeu, je crois. Ah ouais, bah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ils sont c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font encore shopping for a crew? À mon avis, ils sont en train de partir sans payer. C'est ça? Non, bon, non, allez. Mais c'est bon. Vous arrêtez. Donc, on rappelle, parce que là, il va être l'heure bientôt de se séparer et puis de laisser la place aux autres émissions dans les campus. C'est perspective numéro 10, 52 pages? 56 pages? J'ai déjà oublié. 52? Ouais, allez, 50 et des boulettes. Hein, ouais, voilà. De toute façon, c'est un multiple de 4, mais. Ouais, bah, 50. Bah, les deux. Ouais. Les deux. Voilà. Les deux, mon cap. Ouais, 52. Avec 12 pages supplémentaires sous forme d'un livret de Tory Port Short Days. On n'a pas eu le temps de passer un titre de Short Days. On peut-être pas, peut-être arriver maintenant. Ouais. Et puis, donc, bah, ceux qui veulent se le procurer, bah, c'est dans toutes les bonnes drogueries. Et puis, peut-être, sinon, dès ce vendredi, au CCL, à l'occasion de la release party de Utopie. Tout à fait. Voilà. On va peut-être passer quand même un petit Short Days. Ouais. Allez. Ça ferait plaisir. Le tien ou le mien? Comme tu veux. Moi j'avais Cockroach. Vas-y. Par Short Days. Et puis ensuite, donc là, ça, on va quand même dire au revoir tout de suite. Ouais. Et puis on conclura avec un titre de Misère. Misère qui seront avec nous dans Pyongyang City Rockers la semaine prochaine. Peut-être même avec leur producteur, qui fait des super chroniques de disques. Qui est-ce? Greg Smets. voilà. Pour l'instant, voici Short Days avec Cockroach. Ensuite, il y aura Misère avec Flowers. On se retrouve la semaine prochaine pour Pyongyang City Rockers numéro 384. Pour l'instant, PCR, c'est 83 fini. 83 la semaine prochaine. 3, 4, oh, oui. 12, 15. Ouais, voilà. 383. Merci. Et ouais. Il est 19h55. 20h56. Voilà. Là, et puis, on n'oublie pas. À cap. Merci, Hélène. Merci. On est en amour en Short Days.